Eh bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sûr Fadjet 92.2 pour l'émission Code du Beloved. J'espère que vous allez bien, moi ça va super les amis. Aujourd'hui nous retrouvons non pas pour une émission avec 8 artistes, mais une émission avec un artiste en particulier, car oui c'est une émission spéciale. Ah oui, ça fait longtemps que j'avais pas fait d'émission spéciale comme ça avec un seul artiste. La dernière fois ça remonte il y a pas mal de mois en arrière et c'était avec Naaman, je sais pas si vous en souvenez. Et c'était plutôt pas mal. Et là, du coup, l'artiste que je vais vous présenter est Basile. Allez, allez, allez. Vous allez voir la première chanson de Basile et Double Up. J'espère que ça va vous plaire. Vous allez voir, elle est plutôt pas mal. Puis on passera à la suivante juste après. Allez, c'est parti, les amis. Amis, c'était Double Up de Basile. Allez, la deuxième chanson s'appelle Escape. C'est une chanson qui date de février 2018, donc elle est plutôt récente, hein, ça fait pas si longtemps que ça que c'est sorti. Et puis, bah, je vous propose qu'on l'écoute dès à présent. Voilà, c'est parti. Favorite place, east to the west. Now I'm gonna take. make me feel fine. Pretty little girl, yeah, me love you designer. If them decide that this love is a crime, they would have locked me up for a very long time. So one more thing that you should know, and when you step in on my zone, yes, your eyes me dump up. I live tonight, I die tomorrow. So let me tell you something I know. Well, let me fuck with the rhythm real quick. No for them a chat till the boy a panic. Where you come for do when me come find the beat? We murder jump punch, I know we murder them quick. I got to get away, run away with you, baby. Cause if this your place, I don't wanna stay. East to the west now, I'm gonna take you. Take you to your favorite place. East to the west now, I'm gonna take you. Take you to your favorite place. I'm gonna say east to the west and it's passport stamping. But everywhere me go, you know me look for loving. A long, long time, so me can't find no queen. But you in my life will be a perfect thing. Come on, come on, come on, come on, let's get away, yeah. Come on, come on, come on, come on, let's live today, live. So east to the west now, I'm gonna take you to your favorite. Mr. Keeper, hit me. East to the west now, I'm gonna take you. From. Well, this a beauty make me want to write song. This a beauty make me act like a clown. Sometimes me even want shackle down, yeah. The bright time of today might be the sad time of tomorrow. So hold me again tonight, cause tomorrow might pull a sorrow. Bright time of today might be the sad time of tomorrow. So hold me again tonight, if tomorrow pull a sorrow. To the west now, I'm gonna take you to your favorite place. East to the west now, I'm gonna take you to your favorite place. I've been searching, oh, we've been searching. Voilà les amis, c'était encore une fois Basile, hein, forcément, de l'album East to the West, c'était From Them. Allez tout de suite les amis, passons à la troisième chanson de l'album East to the West, comme je viens de vous le dire, qui se nomme General. Allez c'est parti les amis. Searched far too long, yeah. Tonight we want it sound. And we're not feeling like a down, yeah. Give us strength to carry on. Round them up, come and I go down. Take the bad mind them away. I know we're not go down. Oh, this time it we are flying birds, so me now. One like how we run the town tonight, then everything is okay. Not much money in my wallet, but me have life, yes man, me feel it. Material man get defeated, cause we have life, yes we have life, yes we have life. Ooh, the voilà les amis, c'était Freedom. Allez tout de suite, continuons avec notre suivante chanson. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. De toute façon, c'est dimanche soir, et le dimanche soir, tout est permis, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Allez, arrêtons de faire l'idiot. Concentrons-nous, faisons une très très belle émission. Du moins, nous allons essayer, enfin, je vais essayer, car je dis nous, mais au final, je suis tout seul dans le studio. Mais non, oh là, mon Dieu, mais quelle émission, les amis. Allez, notre prochaine chanson s'appelle General. Et vous allez voir, elle est super, super bien. Moi, je sais que c'est la chanson que j'aime le plus, je pense. Vraiment, vous allez voir, elle est super. Come back, we'll take you far away from them. Take the good people away from them. Hide the doors while we boss. Believe in yourself again. Someone will take you far away from them. Hey, them say no, but long, long time me say yes. Don't let the people come make you lose your way. Ambition in your mind, I say. Give them a surprise today. Cause your mind is your mind. What I'm trying to change. Things them don't know, them try to rearrange. Too many times, them might have full up a rage. They wanna be free, but them still lock in a cage. So me take you far away from them. Take the good people away from them. At the doors where we boast, believe in yourself again. Someone will take you far away from them. Hey, tell them we soon bust determination time. Look how you turn, big them can't stop we mine. Don't want we give up, me not with them sign. Me bust the door, come me won't come inside. And I'm not afraid of falling. All me afraid of is not to be trying. Not afraid of falling. So them can't stop me now. I'm a say long, long time. Me not have no nice time. But the time for changing today. So want to look inside. I'm a say straight from my mind. Well, tell me what do you say. You see hope and determination, ambition, yo. Only God can stop me. So when the enemy come trying to conquer me, we'll be ready, I say. Pas vous les amis, mais alors cette chanson, je l'adore. Je la trouve super. Allez, la prochaine chanson est Older Tempo. Vous allez voir, c'est une chanson, mais qui vraiment est plutôt pas mal. J'espère que vous allez aimer. Et j'espère que vous aimez l'émission hein, aussi d'ailleurs. Hein. C'est vrai que je fais pas souvent des émissions spéciales comme ça, mais quand j'en fais, généralement, elles sont plutôt pas mal. On va pas se mentir. Hein. Mais bon, j'espère que vous aimez quand même. Allez, c'est parti. You're the people talking, and the people moving, and the people grooving. Soldiers are come on a weekend. Rum a go burn because we had. Catch it a boy with a one shot. Now for them a fire when we come for the rice pan. Boom. Tell the boy we colder than winter. Tell the boy we hotter than summer. Down in Paris we say everything crisp. Better come in and we wide. And never know we know the whole place selling. Get the bad man away. Tell me dog say we conquer it. Lyrics in my head. Turn up treble man, I turn up bass yeah. Driving on the edge. All of me haters saying a prayer. Man a light a fire. Voilà les amis, c'était All On Tempo. Allez tout de suite, continuons avec notre prochaine chanson qui se nomme I Know. Vous allez voir, elle est super. See the body rhythm. Tired from all the hatred. Now we want to keep them loving. We busy making out. See the whole of them busy killing. What kind of thing? Me not in a them vibe there. Give me some soul. I miss it. Give me some vibe. Love is well required tonight. Yeah. Give me some soul. I miss it. Give me some vibe. Only love. Only love I love tonight. So what I'm begging. swing. Direct me like a notice reading. Girl, you sweet like it's a gem, so I sing. I got the woman like a Richard's ending. So fit it, it a fit your love, a fit the rhythm. It a for you, it a for me, a fit with musical thing. So fling it on the rhythm in a rubber dub thing. Fling it on the rhythm in a perfect time. I me say what, at a tempo tonight. Les amis, allez, continuons avec notre dernière chanson de cet album qui se nomme East to the West. Vous allez voir, la dernière chanson est vraiment super. Moi j'ai adoré, j'espère que ça va vous plaire aussi. C'est parti. Voilà les amis, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une bonne semaine à tous et à tous, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission reggae. Salut tout le monde.